y a 30 ans, naissait en laboratoire le premier organoïde de l'histoire de l'humanité, en l'occurrence une structure d'alvéoles en 3D composée à partir de matrices de glandes mammaires. Aujourd'hui, la maîtrise de ces mini-organes créés à partir de cellules souches à des fins de recherche a largement progressé. Épithélium intestinaux, organoïdes testiculaires, hépatiques, cardiaques et même cérébraux, avec un niveau de complexité tissulaire qui a poussé un comité d'éthique à alerter sur le degré de complexification neuronale de ces mini-cerveaux qui présentent des oscillations similaires à celles de bébés prématurés. Organoïde, Small is Beautiful, c'est le programme mini qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler des progrès en recherche et des applications évidemment rendues possibles par ces organoïdes dont on dit qu'ils pourraient à terme non pas remplacer mais tout du moins limiter une partie des tests sur les animaux de laboratoire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Vergnol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacologue, directrice de recherche à l'INSERM, directrice de l'Institut de recherche en santé digestive et responsable de l'équipe pathophysiologie de l'épithélium intestinal. Et Xavier Gidrol, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'unité biologie à grande échelle et chef du laboratoire Biomix qui est associé au CEA à l'INSERM et à l'université Grenoble-Alpes. Mais avant de passer à l'échelle mini, on reste à l'échelle macro de l'actualité des sciences et de la recherche avec Natacha Trioux pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec l'appel de la Quadrature du Net. L'association alerte sur les risques d'une surveillance de masse en France. Et la Quadrature du Net vient de lancer un appel et demande au gouvernement de renoncer à l'article 57 du projet de loi Finances 2020. Cet article 57 permettra à l'administration fiscale et aux douanes de surveiller en masse les réseaux sociaux pour lutter contre la fraude fiscale. L'article prévoit une collecte généralisée de toutes les données personnelles disponibles sur les plateformes, puis de les analyser via une intelligence artificielle. En août, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, avertissait déjà des risques d'atteinte au droit à la vie privée et au droit à la liberté d'expression. Arthur Messot est juriste à la Quadrature du Net. Le critère de surveiller en masse, c'est quelque chose qui est fondamentalement incompatible avec les libertés fondamentales dans l'Union européenne. Et pourtant, là, aujourd'hui, on a sans gêne le gouvernement qui propose une disposition légale dans laquelle il explique que la collecte des données sera faite en masse. Exactement ce que les États-Unis faisaient, ce qu'on leur reprochait, et ce qui est parfaitement contraire aux droits de l'Union. Alors, le gouvernement, évidemment, se prive de toute analyse d'impact, se prive même d'expliquer, chiffrer les intérêts d'utiliser l'intelligence artificielle et la collecte de masse pour ses besoins. On est dans du pur solutionnisme technologique, du pur fantasme qui n'est étayé par aucun élément factuel. Et ça c'est la ligne droite de la politique actuelle du gouvernement qui invoque la technologie constamment pour justifier des mesures autoritaires. Et aussi, il faut bien comprendre qu'il a pour but de collecter en masse, c'est les termes du gouvernement, les données de toute la population française ou même mondiale, hein, sur les réseaux sociaux et les sites de vente comme Le Bon Coin. Et ce qu'il a redouté, c'est qu'il commence par un sujet qui est assez peu polémique, qui est le recouvrement de l'impôt, mais qu'ensuite ça serve de prétexte à étendre cette méthode-là à plein d'autres luttes, à la lutte contre les chômeurs, lutte contre les personnes qui abuseraient de l'aide sociale. Et là, on voit le projet de société totalitaire dans lequel il n'y a plus de vie privée. Et on passe au bref. Après le mois de septembre 2019, octobre 2019 a été le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré. Oui, partout sur la planète. Hein. Octobre dernier, le plus chaud, hein, d'un demi-degré de plus que les températures moyennes des décennies précédentes. L'organisme européen Copernicus, sur le réchauffement climatique, a publié hier son rapport mensuel. Conclusion, ce sont 5 mois consécutifs qui frôlent ou qui battent des records de chaleur. Les climatologues l'avaient déjà anticipé, 2019 devrait faire partie des années les plus chaudes de toutes. Selon une étude française parue dans British Medical Journal Quality and Safety, l'engorgement des urgences n'est pas dû aux patients. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait déclaré que la surcharge des urgences s'expliquait en partie par un trop grand nombre d'admissions inappropriées. Dans cette étude, qui porte sur près de 30 000 personnes en France, moins d'un patient sur 10 n'a pas sa place aux urgences, seulement 6%. Alors pour déterminer si la consultation était inutile ou non, les chercheurs ont appliqué différents critères. Ils ont pris en compte l'appréciation des urgentistes et ils ont noté si la prise en charge aurait pu être réalisée par un généraliste. L'étude montre également que ces 6% de patients injustifiés finissent par se rendre aux urgences car ils n'ont pas eu accès à un médecin. Ce que dit cette étude, c'est que ce ne sont pas les malades qui créent des embouteillages aux urgences, mais bien un manque d'effectifs. Et enfin, lundi 11 novembre, lundi prochain, il sera possible d'observer Mercure en transit devant le Soleil. Et Mercure qui passe devant le Soleil, c'est un phénomène astronomique rare. Lundi prochain, on pourra donc observer un petit point noir passer devant le Soleil, mais pas à l'œil nu, seulement avec un télescope protégé par un filtre solaire. Il faudra environ 5 heures à la planète pour parcourir l'ensemble du disque solaire. Voilà, il y a plein d'endroits où vous allez pouvoir, si évidemment les cieux sont cléments, observer ce transit de Mercure devant le Soleil. Évidemment, ne faites pas ça chez vous avec une lunette sans être protégé, mais on va vous mettre bien des liens sur notre fil Twitter @laméthodefc si vous voulez aller voir cette petite planète passer devant notre grand astre. Tous les liens évidemment du Journal des Sciences et bien plus sur ce fil Twitter @laméthodefc ainsi que sur le site de France Culture, de la méthode scientifique pardon, sur franceculture.fr. Alors de tous les organoïdes qui sont développés en laboratoire depuis une trentaine d'années maintenant, qu'il s'agisse d'étudier la morphogénèse, d'effectuer des tests de médicaments, le plus impressionnant est certainement l'organoïde cérébral. Et pour cause, il y a quelques semaines à peine, en octobre, une équipe de l'université de San Diego a publié une étude qui a fait pas mal de bruit, dont on vous a parlé ici, la production du premier organoïde cérébral à avoir des réseaux de neurones fonctionnels. Alors selon les termes du papier, ces neurones déclenchent des signaux synchronisés en réseau. Le papier va jusqu'à comparer cette activité avec celle du cerveau de bébés prématurés. Évidemment, tout ça est très impressionnant. Alors il faut mettre le holà, on n'en est pas du tout à l'accession à la conscience, loin s'en faut. Mais ça donne l'idée en tout cas de l'aspect vertigineux de cette publication et de l'état du développement de ces organoïdes. Les médias ont évidemment plongé tête baissée, comme en témoigne ce reportage qui a été diffusé sur une chaîne d'infos. Continue. Bien à l'abri dans cet incubateur, dans ce laboratoire du CEA, ces petites boules blanches sont des mini-cerveaux fabriqués à partir de cellules humaines. Ce sont des petites boules de cellules qui font 1 ou 2 mm et qui ont les mêmes constituants, ou en tout cas une grande partie des constituants qu'on retrouve dans le cerveau humain. On parle d'organoïdes car ce ne sont pas des organes complets. Un cerveau humain, c'est plus de 100 milliards de cellules. Là, ces organoïdes qu'on cultive au laboratoire, c'est au mieux 1 million de cellules. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans la même échelle. Cette équipe fabrique ces mini-cerveaux à partir de cellules souches. En les cultivant dans un bon environnement, elles se transforment en neurones et interagissent. Des scientifiques américains viennent de montrer que leur activité électrique est similaire à celle d'un cerveau humain. Une bonne nouvelle pour ce chercheur qui utilise ses mini-cerveaux pour étudier des maladies à prions, comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. On peut comprendre ce qui se passe dans un organe lorsqu'il est en activité. Et dès lors qu'on comprend, on peut envisager de trouver des médicaments ou des traitements pour certaines pathologies. Maladies neurodégénératives, épilepsie, les perspectives thérapeutiques sont immenses. Ce qui n'empêche pas la communauté scientifique de rester attentive aux enjeux éthiques soulevés par ces nouvelles technologies. Voilà, alors évidemment, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson ne sont pas exactement des maladies à prions, mais ce n'est pas le débat de cette émission. Un mot peut-être sur ce reportage en particulier, sur cette annonce qui est vraie à susciter peut-être un peu de fantasme autour de ces organoïdes cérébraux qui déclenchent, enfin qui ont en tout cas une forme d'activité neuronale mesurable. Nathalie Vergniol. Oui, alors c'est une publication extrêmement importante dans le domaine, extrêmement intéressante puisque, comme ça a été dit, on a donc détecté une activité électrique concertée et synchronisée. C'est vraiment ça le point important de cette publication. Bon, de là à dire que c'est une activité cérébrale, évidemment, c'est un peu poussé. Je crois qu'on ne parle pas d'activité cérébrale dans ce cas-là, mais on parle d'un d'un organoïde qui est fonctionnel, en tout cas, d'un point de vue électrique. Et ça, c'est important. Xavier Vidrol. Donc, une petite précision. Effectivement, il y a une équipe européenne à Vienne, dans l'Institut de pathologie, qui a été les premiers en 2014 à faire des organoïdes de cerveau, mais sans détection électrique, sans activité électrique, avec une morphologie avancée de plusieurs tissus cérébraux, un peu façon Pulse, tout de même, c'est pas organisé comme un cerveau. Mais bon, donc, juste cette précision, l'étude américaine rapporte en plus une activité d'onde qui est intéressante et qui est surtout imprévue. Donc, imprévue, comment ça? Un aspect des organoïdes, à mon sens, c'est ça, c'est que on fait pousser des cellules dans une structure, on expliquera en détail après comment on fait, mais il y a des aspects qui nous surprennent nous-mêmes en tant que chercheurs. Cette activité électrique n'était pas attendue par les chercheurs. On est plus au stade de la morphologie aujourd'hui, du bon emplacement au bon endroit des structures cellulaires et des tissus, plutôt qu'une activité. Je pense qu'ils ont été surpris eux aussi. C'est-à-dire que ça a eu, pour conclure sur ce sujet, parce qu'on va pas y passer non plus l'heure entière, mais ça a été suivi par une publication, une lettre en tout cas du Congrès de neurosciences de Chicago, qui dit attention, en termes d'éthique, il faut qu'on commence à faire attention à ce qu'on fait, au degré auquel on peut pousser finalement ces mécaniques de développement. Est-ce qu'effectivement il faut d'un seul coup se dire qu'on commence à flirter avec des endroits où il faut peut-être injecter un peu d'éthique ou faire un peu attention, à votre avis, Xavier Vidrol? Absolument, je crois qu'il ne faut pas attendre trop longtemps pour parler. Il ne faut pas attendre qu'ils se mettent à parler. Voilà. Exactement, ça sera trop tard. Donc c'est intéressant même de voir les Américains parler d'éthique. Souvent c'est l'Europe qui parle d'éthique et là c'est même les Américains qui en parlent. Donc c'est important d'en parler dès aujourd'hui. Effectivement, en France, on est assez conscient de cet aspect. Le comité national d'éthique parle déjà de ça, le comité de l'INSERM aussi sur les aspects éthiques. Donc je pense que ça a au moins sonné ou éclairé des lanternes à ce niveau-là. Nathalie Vergniol, vous êtes plus réservée sur, vous pensez qu'on est quand même très très loin de quelque chose? Oui, encore. Bon, on est évidemment sur des structures vivantes qui sont faites à partir de cellules humaines. Donc là déjà se pose le problème éthique et on le pose depuis très longtemps déjà. Et on a répondu à de nombreuses questions dans ce domaine-là. Après, évidemment, le problème éthique lié à une espèce de conscience qui existerait. Alors on parle pas de conscience. Là, parce que la conscience, évidemment, on parle pas de conscience, mais on parle tout de même d'une activité cérébrale. On sait que la notion de conscience, c'est très compliqué, qu'il y a des activités cérébrales qui sont très limitées mais qui restent des activités cérébrales, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une zone un peu obscure. Oui, mais ça, enfin, encore une fois, je suis d'accord avec Xavier. C'est important de se poser les questions éthiques le plus tôt possible. Donc parlons-en, mais je crois qu'on est... On a encore un peu de marge. On a de la marge, oui. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous parlons donc des organoïdes tout au long de cette heure, pas uniquement des organoïdes cérébraux. Il y a une variété d'organoïdes que nous allons évoquer avec Nathalie Vergniol et Xavier Vidrol. Peut-être un petit mot historique, je disais le premier organoïde officiel en 1989, mais la recherche sur les organoïdes, sur créer des petits organes comme ça dans des boîtes de pétri en laboratoire, elle remonte à quand à peu près? Qui veut me répondre, Xavier Vidrol? Dans ces années-là, au début des années 30, pardon, il y a 30 ans, et c'était pas forcément tout le temps des organoïdes. Je vais faire une définition ici. Organoïdes, pour moi, ça veut dire prolifération et différenciation, spécialisation du tissu dans caractéristiques de l'organe qu'on veut ou qu'on essaie de reproduire. Mais depuis longtemps, il y avait des cultures en trois dimensions de cellules humaines, un peu chaotiques, sans différenciation, juste prolifératives, qu'on faisait dans ce qu'on appelle le soft agar. C'est un hydrogel un peu mou, où les cellules en 3D pouvaient faire des colonies. On l'utilisait beaucoup pour le cancer, la recherche sur le cancer, pour voir la prolifération cellulaire. Si elles étaient capables de pousser l'agar, en quelque sorte, c'est qu'elles étaient très agressives, etc. Donc ça c'est une chercheuse américaine qui travaillait beaucoup là-dessus, Mina Bissell. On ne parlait pas d'organoïdes, mais ça fait une trentaine d'années, effectivement, qu'on parle d'organoïdes. Donc, il y a ce qui ressemble plus à des tumeurs, que moi j'aime appeler des tumoroïdes, qui sont des sphères de cellules qui prolifèrent, qui se multiplient de façon chaotique, sans différenciation, sans spécialisation. Ça ressemble à une tumeur, d'où le nom tumoroïde. Je rappelle que le suffixe oïde veut dire qui ressemble à, hein, astéroïde qui ressemble à une étoile, sigmoïde une courbe qui ressemble à la lettre S, sigma en grec. Ça ne veut pas dire forcément, ça ne dit rien forcément sur l'origine des cellules elles-mêmes, hein. On confond un peu les deux, donc je voulais préciser ça. Une tumoroïde, ça ressemble à une tumeur, il y a peu de structure, ça ne ressemble pas à l'organe, et organoïde, ça commence à ressembler à l'organe, même si, comme le disait Nathalie, dans le cas du cerveau, mais des autres organes aussi, on n'a pas tout à fait tout le temps toutes les structures, où elles sont un peu, comme je le disais tout à l'heure, façon puzzle. Un peu chaotique encore. Cérèbre, c'est un peu chaotique. Nathalie Vergnuel, quelle serait justement votre définition? Qu'est-ce que c'est qu'un organoïde précisément? En fait, on est encore en train de se le demander. Et récemment, hein, dans les groupes de travail qui existent en France, des personnes qui travaillent sur les organoïdes, il y a encore quelques semaines, on discute de quelle définition on donne aux organoïdes. Le consensus aujourd'hui, c'est de dire que ce sont des structures qu'on cultive donc dans les laboratoires à partir de cellules souches, soit des cellules souches isolées des organes directement, soit des cellules souches pluripotentes donc vers lesquelles on induit une différenciation dans tel ou tel tissu. Le deuxième élément, c'est que ce sont des cultures en trois dimensions. Ça, c'est l'aspect majeur aussi. C'est pas juste un tissu en 2D, en fait. Voilà. Depuis longtemps, les cultures dans les laboratoires, on les fait en deux dimensions. On les fait dans des plaques. Donc là, il y a une notion de culture en trois dimensions et d'auto-organisation. Donc ça c'est très important. C'est un élément important, et Xavier d'ailleurs en a parlé un petit peu. Ces cellules, bien elles vont s'auto-organiser pour recréer la morphologie propre à l'organe. Ça c'est un autre élément. Et le quatrième élément qu'on est pas mal enclin à rajouter aujourd'hui, c'est l'élément fonctionnel. On se dit que dans des organoïdes, on voudrait voir ces structures qui reproduisent au moins quelques fonctions de l'organe. Alors, pour le cerveau, on a parlé d'activité électrique, les organoïdes de cerveau. Pour les organoïdes d'intestin, par exemple, on peut regarder la fonction de barrière, les fonctions de sécrétion, les fonctions d'absorption. Donc voilà, dans chacun, selon les types d'organes qu'on regarde, on veut retrouver au moins quelques fonctions de l'organe. C'est intéressant, hein, c'est vraiment peut-être la pierre angulaire de ces organoïdes, cette notion d'auto-organisation. C'est-à-dire que, je vais résumer et vous allez compléter ou me corriger le cas échéant l'un et l'autre. On prend des cellules souches plus ou moins pluripotentes, hein, soit des cellules souches qui ont déjà un peu évolué, soit des cellules souches au contraire avec un spectre très large. Puis d'un seul coup, on les pousse, on les force à se différencier et naturellement, elles vont se différencier dans différents types de tissus qui vont s'organiser naturellement comme pour reconstituer, comme elles le feraient finalement à la louche, hein, vraiment en grand trait, au moment de l'embryogenèse. Oui, complètement. Donc le caractère essentiel, ce qu'évoquait Nathalie, c'est la dimension 3D. Donc faire des organoïdes aujourd'hui, c'est jeter des cellules souches ou progénitrices. Enfin, ouais. On arrive même avec des cellules adultes à faire des organoïdes, mais surtout souches et progénitrices. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. On peut rentrer dans ces détails-là, hein. si, au contraire. On peut faire des organoïdes à partir d'adultes, pas uniquement d'embryons, à partir de l'organe adulte. On prend aujourd'hui dans certains pays dans le monde, notamment en Hollande, on fait des banques d'organoïdes de patients à partir de leurs cellules chez les patients qui ont des cancers. C'est-à-dire sur quel type d'organes, par exemple? Colon, sein, par exemple. Et donc là, on ne sait pas tellement quelles sont les cellules qui sont à l'origine du patient, qui sont à l'origine de l'organoïde. Vraisemblablement, ce qu'on appelle des progéniteurs, c'est-à-dire des cellules assez ancestrale de l'organe, mais incapable de proliférer, alors que la souche forcément n'est pas forcément capable de proliférer. En tout cas, on prend ces cellules-là, on les met dans un hydrogel en 3D. L'hydrogel, c'est un peu ce que la gélatine que vous mettez autour de vos œufs quand vous faites des œufs à la gélatine. Donc les cellules peuvent s'ancrer dans les trois dimensions, et là, c'est fascinant, effectivement, de les voir s'auto-organiser. Moi, ça me fascine de les voir. Elles luttent, en fait, contre la seconde loi de la thermodynamique ou le second principe de la thermodynamique. Elles s'organisent. Alors, on pourrait s'attendre en deux dimensions. C'est ce qu'on voit. Elles sont en vrac. Elles couvrent le fond de la boîte, mais complètement désorganisées. Tandis que là, elles s'organisent. Elles prolifèrent d'abord. D'où l'importance d'avoir des cellules qui puissent proliférer, puis se spécialisent, se différencient pour ressembler à l'organe et éventuellement avoir une fonction. Nathalie Vergniol. Oui, juste, je voulais compléter un petit peu sur ces organoïdes, ces cultures d'organoïdes qui sont faites à partir de tissus adultes. Ce qu'on recherche en fait dans ces tissus, ce sont les cellules qui sont responsables de la régénération de l'organe. Mmh. Et ces cellules donc gardent toute l'information nécessaire à la régénération de l'organe. Et c'est cette information-là qui, dans les milieux appropriés, va se remettre en marche et recréer ces mini-organes. Et je veux aussi dire que les banques d'organoïdes de patients, aujourd'hui ça se fait en France. Il y a plusieurs laboratoires, notamment qui font des banques d'organoïdes de patients avec des pathologies, maladies inflammatoires, etc. On reparlera évidemment dans la deuxième partie de cette émission des applications. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui on peut partir de cellules totipotentes, c'est-à-dire vraiment de cellules type embryonnaires qui peuvent se développer en n'importe quel type d'organe, ou en cellules pluripotentes, c'est-à-dire qui ont commencé à se spécialiser dans un type d'organe et qui, à l'intérieur de ce type d'organe, vont ensuite pouvoir donner les différents types de tissus qui composent l'organe lui-même. Tout à fait, oui. Le spectre des différenciations possibles sur une progénitrice adulte est moins large. Il n'y a que les cellules de l'organe. Ne pas vous oublier que dans un organe, il y a plusieurs types cellulaires, des centaines parfois. Donc ça peut être limité, ou effectivement si on part de cellules souches embryonnaires ou de ce qu'on appelle les iPS, des cellules souches induites, là a priori on peut faire tous les organes possibles dans un milieu permissif, c'est-à-dire cet hydrogel et puis le milieu de culture qui permet d'engager les cellules vers tel ou tel type d'organe. Quel est le niveau de complexité qu'on peut atteindre? Est-ce que juste les cellules se spécialisent dans quelques-uns des tissus? Est-ce qu'on peut vraiment revenir? Je pense par exemple, vous travaillez sur l'épithélium intestinal. On sait que c'est un épithélium très compliqué avec différentes couches, avec des systèmes de perméabilité, etc. Comment et jusqu'où on peut pousser la différenciation cellulaire sur un organoïde, Nathalie Vergniol? Alors tout dépend de quoi on part. Et comme le disait Xavier, si on part de cellules souches qui sont présentes dans les tissus adultes, dans le cas de l'épithélium intestinal, il nous suffit d'isoler les cellules souches de l'épithélium et elles sont capables de recréer tous les types cellulaires de l'épithélium. Mais vraiment très facilement, j'ai envie de dire, c'est presque magique, incroyablement simple. Il suffit de leur mettre les bons milieux de culture, les bons facteurs de croissance, et on retrouve la composition exacte de l'épithélium différencié qu'on retrouve chez l'homme. Donc avec tous les types cellulaires. Après, si on part de cellules souches des iPS par exemple, iPS, c'est les cellules souches qui ont été reprogrammées pour être à nouveau différenciées. Qu'on voilà. Faut revenir à l'état de cellules pluripotentes, et ensuite on les pousse à se redifférencier après. C'est ça. Donc là, quand on fait ça, on peut l'avantage de ces cellules-là, c'est que vraiment on peut pousser vers un seul type cellulaire. Selon les besoins de l'expérience, effectivement. Donc tout dépend de d'où on part. Mais dans le cas de l'intestin, c'est assez magique. Vraiment, on revoit même des cryptes qui s'auto-forment. Des cryptes, c'est-à-dire L'épithélium intestinal est composé sur le côlon d'une succession de cryptes, et puis au niveau de l'intestin grêle, c'est une succession de cryptes et de villosités. Lorsqu'on isole les cellules souches, elles recréent in vitro, en trois dimensions, ces mêmes structures. Donc ça, c'est assez magique. Et l'organisation est la même que celle qu'on voit dans la vraie vie. J'aime toujours entendre des scientifiques me dire que c'est assez magique, parce que quand on est là pour essayer de comprendre, c'est toujours assez amusant comme terminologie. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, préciser, avant peut-être de préciser cela, on peut finalement faire des organoïdes avec n'importe quel type d'organe. On peut reproduire n'importe quel type d'organe, Xavier Gidrol, en laboratoire. Alors, je voudrais pas faire d'erreur. J'ai pas vu tous les organes. Aujourd'hui, on n'a pas fait tous les organes. Hein. Nathalie, je sais pas ce que t'en penses, mais... Il y en a beaucoup, quand même. Il y en a beaucoup, mais je suis pas sûr qu'on ait fait tous les organes. Mais a priori, en théorie, on devrait... Ceux sur lesquels on travaille le plus couramment. Alors, il y a les épithéliums intestinaux, on a dû les organoïdes cérébraux. Quel autre type d'organes, en général, se fait assez Alors, simplement? Les organoïdes intestinaux, c'est le plus simple parce qu'ils sont gavés de cellules souches, en fait. C'est aussi pour ça que ça a été très facile et qu'on a pas mal avancé dans ce domaine. Nous, on a mis au point les organoïdes de vessie humaine. Il y a des organoïdes de prostate, des organoïdes de foie, des organoïdes de pancréas, sein, ouais. De rein, de thyroïde, de glande mammaire, enfin vraiment. De peau, évidemment, bien sûr. Et donc, ce que je voulais préciser, c'est que ces organoïdes-là, on recrée évidemment la complexité des tissus et des multiples tissus qui constituent l'organe, mais ces organoïdes ne sont ni vascularisés, ni innervés. Où est-ce qu'ils le sont, Nathalie Vergnol? Alors aujourd'hui, on se limite à faire ce qu'on appelle des co-cultures. Donc on va faire ces cultures d'organoïdes et puis à côté, on va mettre d'autres types cellulaires. Par exemple, des cellules nerveuses, des cellules de l'immunité, pourquoi pas des cellules endothéliales pour recréer un système vasculaire. Mais ça reste à l'état de co-culture. On peut pas vraiment parler de vascularisation d'organoïdes ou d'innervation. Ça, c'est vraiment un des challenges. Alors, je vais être un peu plus optimiste que Nathalie, même si elle a raison, on n'est pas complètement dans la vascularisation. Mais aujourd'hui, notamment sur la peau que j'évoquais juste avant, on arrive, et certaines équipes françaises d'ailleurs, à Strasbourg, arrivent à faire des peaux reconstituées, donc des organoïdes vascularisés et innervés. Donc vascularisés en termes de morphologie, il n'y a aucun problème. On voit effectivement la vascularisation, l'innervation également. En termes de fonctionnalité, on n'est pas, et là je pense que c'est ce que voulait dire Nathalie, on n'est pas complètement là, c'est-à-dire on n'arrive pas pour l'instant à connecter artificiellement ces organes vascularisés ou ces organoïdes vascularisés, sauf à passer par la greffe chez une souris, et ce qu'on appelle l'anastomose, c'est-à-dire la fusion du réseau vasculaire de la souris avec le réseau vasculaire de l'organoïde. On arrive à avoir une circulation. On arrive même à voir pour du pancréas à descendre le taux de glucose de la souris avec un organe de pancréas humain. C'est des travaux japonais. Donc on a des ébauches encore qui sont pas parfaites. Les réseaux vasculaires fuient souvent ou sont instables. L'innervation, on n'est pas encore complètement sûr de la fonctionnalité. En tout cas, architecturalement parlant ou morphologiquement parlant, on arrive à faire des structures, des organoïdes qui sont de plus en plus complexes avec plusieurs types d'organes, de cellules. De cellules, oui. Pardon. Et quand on souhaite complexifier, en tout cas encore un peu, le fonctionnement de l'organoïde, on peut recourir à ce qu'on appelle la microfluidique et notamment au placement sur une puce microfluidique. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu dans le laboratoire d'une équipe de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes pour la microfluidique à Paris pour voir bien comment une équipe travaille à la production d'organoïdes intestinaux. Oui, des intestins sur puce. J'ai retrouvé l'équipe de Stéphanie Descroix, chercheuse CNRS, qui fait pousser des intestins sur des micropuces. Le principe est de récolter des cellules souches, en l'occurrence de murin, de les mettre en culture dans des systèmes microfluidiques, des sortes de micromoules, pour diriger leur développement jusqu'à former un segment d'intestin. Avec ce procédé, il est non seulement possible de concevoir une section de l'organe, avec sa morphologie et sa physiologie, mais il est également possible de simuler son comportement, à savoir les mouvements de contraction, de cisaillement, qui sont propres à l'intestin, ce qui apporte un avantage supplémentaire pour la recherche fondamentale et les essais thérapeutiques. Les organoïdes, ce sont donc des structures tridimensionnelles qui miment l'organisation et un certain nombre de caractéristiques de l'organe, et pour l'instant, ça ressemble vraiment à une boule de cellules. Et nous, ce qu'on essaye avec la microfluidique, c'est de les structurer. Notamment, nous, on travaille sur l'intestin. On sait que l'intestin a une structure 3D très particulière de repliement, des invaginations qui permettent d'augmenter la surface de contact pour l'absorption des nutriments. Et typiquement, quand on prend un organoïde intestinal, on a une boule de cellules qui va faire des petites invaginations aussi. Et les organoïdes tels qu'ils sont faits là ne sont pas capables de reproduire ces deux domaines qu'on appelle villosité et crypte. Et donc, avec la microfluidique, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des échafaudages 3D sur lesquels on va venir déposer ces organoïdes qui vont épouser la structure 3D qu'on leur a fournie, sur lesquels on les a posés pour pousser. À partir de quel type de cellules vous travaillez? Des cellules souches? Un des objectifs, c'est de diminuer le nombre d'animaux utilisés, bien évidemment. On commence quand même toujours par des souris au départ, c'est-à-dire que nous, on récupère les cryptes, qui sont ces petites invaginations vers l'intérieur du corps, dans lesquelles se trouvent les cellules souches intestinales. On récupère ces cryptes, on les met dans un matériau qu'on appelle un hydrogel particulier, elles vont former ces organoïdes, et ensuite, on multiplie ces organoïdes, en utiliser le moins possible de souris pour le plus possible de manipulation, et c'est ces petites boules de cellules, ces organoïdes intestinaux, qu'on vient ensemencer sur nos structures 3D. Alors, quelles sont les contraintes de ce type d'expérimentation? Parce qu'en intestin, il y a plusieurs types de cellules différentes. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des géométries différentes. En fonction, par exemple, du gros intestin ou du côlon, on n'a pas du tout les mêmes structures. Au-delà de ça, et c'était vraiment un défi pour nous, ma collègue s'appelle Daniela Vijnevic, qui est également à l'Institut Curie. Et notre rêve au début, c'était de dire, On va donner cette structure 3D à nos cellules, on va poser les organoïdes et on espère qu'ils vont s'ouvrir un petit peu comme des fleurs et venir coloniser complètement la structure et ensuite donner tous les différents types cellulaires qu'il y a dans l'intestin. Nos organoïdes vont s'ouvrir, coloniser et au fur et à mesure, on va voir les différents types cellulaires qui existent, c'est ce qu'on appelle la différenciation. Et l'étape d'après avec Daniela, c'est de se dire maintenant qu'on a cet outil, on peut aller étudier des questions biologiques assez fines parce que la beauté de ces systèmes, et c'est là où la microfluidique est peut-être à un niveau de sophistication un peu plus important que les organoïdes tout seuls, c'est qu'on peut ajouter du contrôle. Vous savez, dans l'intestin, pour que les aliments avancent dans le tractus intestinal, on a des muscles qui contractent au fur et à mesure l'intestin. Et donc, les cellules, quand on est une cellule, qu'est-ce qu'on sent ? On sent des phénomènes de compression et d'étirement. Et donc, grâce à la microfluidique, on peut avoir notre structure 3D et y appliquer ses forces pour essayer de comprendre comment ces forces vont jouer sur les cellules en fonction de leur position sur la structure 3D. Vous voulez dire que non seulement on arrive à reproduire la structure d'un segment d'organe, l'épithélium, mais en plus on arrive à simuler son comportement comme s'il était en situation réelle ? On le simule pas dans le sens où on a d'autres projets avec des muscles, mais là on les a pas mis, mais on lui applique les mêmes forces que ce qu'il va ressentir in vivo. Là je vous emmène dans un laboratoire qui s'appelle un L2, c'est-à-dire là où on manipule. Et ce que vous allez voir, c'est ces puces. Et alors, juste pour que vous vous rendiez compte, voilà, il y a Moen Kopy qui va aller nous montrer ces puces. Bonjour. Moen Kopy qui commence sa thèse avec nous. Et donc, quand nous, on essaye de refaire un micro-intestin sur puce, il faut imaginer qu'il se fait sur environ 3 mm². On est vraiment dans un micro-organe. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en effet avec le matériel biologique de base qui sont les organoïdes, donc qui sont en fait des fragments déjà de parois intestinales. Donc là, vous sortez des cultures de l'incubateur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour reproduire, dans notre cas, un tissu intestinal, on va utiliser un matériau qui s'appelle du collagène, qui permet de modeler en fait la structure de l'intestin, et sur lequel en fait on va venir déposer justement ces organoïdes. Donc voilà, si vous voyez ce rectangle ici, un peu blanchâtre, ça correspond à notre paroi de collagène qui est structurée. Vous pouvez pas le voir ici à l'œil nu, mais il est structuré pour donner la forme. Si vous voulez, le collagène va servir de support sur lequel il y aura les organoïdes et au-dessus duquel il y aura le milieu pour venir alimenter en fait les cellules pour permettre leur croissance. On va aller vous montrer à quoi ça ressemble une fois qu'on a regardé ces intestins sur puce sur des microscopes. Et en fait, pour essayer de caractériser les différents types cellulaires qui sont présents et comment ils se comportent, il y a une étape qu'on appelle de marquage, c'est-à-dire que chaque cellule ou chaque constituant de la cellule va avoir une couleur particulière. Donc on essaie d'étiqueter cellule par cellule. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle le marquage. Alors Moen Kopy va nous montrer quelques images. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une villosité entourée de 6 cryptes qui sont vraiment le patron géométrique qu'on observe in vivo. Et donc effectivement, on part d'en haut, on voit les cellules une par une et on voit les différentes couleurs qui correspondent aux différents états cellulaires ou types cellulaires. Et donc les organoïdes, on les a laissés pousser pendant 2 semaines. Donc là, ils ont vraiment pu s'expandre sur toute la surface et coloniser tout l'espace. Et donc là, ils se sont bien développés. On voit en fait le tissu intestinal qui dérive justement de ces organoïdes. Quels sont les objectifs thérapeutiques envisagés à terme ? Alors, l'idée, c'est de plus partir directement d'organoïdes, mais de tumoroïdes, qui vont être des organoïdes qui vont induire des comportements tumoraux parce qu'il va y avoir certaines mutations ou certaines déplétions de gènes dans les cellules qu'on va utiliser. On a des modèles de souris pour ça. Et là, on va essayer et on va pouvoir directement comprendre les mécanismes de tumorogénèse, comment les fibroblastes vont être impliqués dans l'invasion des cellules tumorales, comment les cellules immunitaires, elles, vont pouvoir lutter ou non. Et on va pouvoir le faire à terme en présence de différents médicaments pour comprendre quel est le rôle joué par ces différents partenaires, acteurs de l'homéostasie intestinale pour pouvoir lutter ou au contraire favoriser la propagation des tumeurs. Voilà ce reportage du jour à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes sur organoïdes et microfluidiques. On dit organoïdes sur puces également, peut-être une réaction l'un et l'autre à ce type de travaux, Nathalie Vergniaud. Ça, ce sont des travaux fondamentaux dans le domaine, puisque ça a été expliqué, on essaye de recréer vraiment des conditions qui sont au plus proche de la réalité des contraintes de l'organe, et ça, c'est majeur. Donc on peut aujourd'hui, avec ces systèmes-là, appliquer des contraintes de température, évidemment, des contraintes de pH, des contraintes d'oxygène, des contraintes physiques, parce que certains organes sont en mouvement, c'est le cas de l'intestin, évidemment. Donc ça c'est majeur pour recréer la réalité de ces mini-organes. Xavier Gidral. Un peu d'histoire pour placer dans le cadre. C'était deux axes complètement différents, les organoïdes ou les sphéroïdes d'une part, on l'a évoqué historiquement comment c'est venu, et puis pour tout ce qui est la microfluidique, on fait depuis 25 ans, 30 ans aussi, ce qu'on appelait des labos sur puce. Et beaucoup de collègues, notamment à Grenoble, on a beaucoup fait ça, des cultures de cellules dans ces puces microfluidiques, que personne n'osait appeler des organes sur puce à l'époque. Il a fallu des travaux américains en 2010, publiés dans Science, pour que les Américains aient l'audace d'appeler ça des organes sur puce. Mais à juste titre, ils ont refait un poumon avec juste deux couches cellulaires, une couche qui faisait face à l'air. L'air, bien sûr, puisque c'est ça qui est important, comme on entendait. Et une couche qui faisait face au liquide pour mimer le sang. Mmh. Et ce qu'ils ont rajouté, et là où c'était pertinent d'appeler ça sur organes sur puce, c'est l'aspect biomécanique qu'on a évoqué dans le reportage que Nathalie vient d'évoquer. C'est-à-dire la capacité à vraiment vivre la respiration avec, en tirant sur les couches de cellules pour mimer l'inspiration et l'expiration. Donc le mot d'organe sur puce est arrivé. Donc au départ, deux champs complètement différents qui aujourd'hui fusionnent, comme on l'a vu dans le reportage, avec des organoïdes sur puce. On peut mélanger vraiment du 3D, du multicellulaire avec la microfluidique, permet des échanges, de monitorer, de regarder des cellules ou des métabolites circuler entre les deux organes. Don't make me brag. I took the zing out of the king of Siam. I took the starch out of the sails of the prince of Wales. It's no great art getting the heart of a man on a silver platter. A little brains, a little talent, with an emphasis on the latter. I made mincemeat out of a sweet young farmer. I knocked the fight out of a knight when I pierced his armor. And I'll bet I can upset every male in a Yarragata. A little brains, a little talent, with an emphasis on the latter. You've gotta know just what to say and how to say it. You've gotta know what game to play and how to play it. You gotta stack those decks with a couple of extra aces. And this queen has her aces in all the right places. I've done much more than that old Boer, Delilah. I took the curl out of the hair of a millionaire. There is no trick getting some hick who is cool just a little warmer. A little talent, a little brains, with an emphasis on the former. A little brain, a little talent, chante Gwen Verdon à 16h bientôt 40 sur France Culture. Little brain, c'est un peu ce dont il est question au cours de cette heure, puisque nous parlons d'organoïdes, donc de petits organes, mais de gros talents, de la recherche derrière. Nous en parlons avec Nathalie Verniol, qui est pharmacologue, directrice de recherche à l'INSERM, directrice de l'Institut de Recherche en Santé Digestive et responsable de l'équipe pathophysiologie de l'épithélium intestinal, avec Xavier Gidrol, qui est directeur de l'unité biologie à grande échelle et chef du laboratoire Biomix associé au CEA, à l'INSERM et à l'Université Grenoble-Alpes. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse de sciences au CRI, Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris, rattaché à l'Université Paris-Descartes. Vous travaillez sur des organoïdes dans des capsules cultivées en bioréacteurs des microtissus à visée thérapeutique. Bienvenue à la recherche Montre en main, on vous écoute. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis en deuxième année de thèse de biologie interdisciplinaire, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut de la biologie, de la physique, de la microfluidique, et on a besoin de tous ces outils pour travailler sur les organoïdes. Donc je travaille dans deux laboratoires. Premièrement à l'Institut Imagine, qui est un institut de génétique associé à l'hôpital Necker à Paris, avec comme directrice de thèse docteur Nathalie Lefort, qui est spécialiste de la génétique des cellules souches, dans la plateforme des cellules souches de l'Institut Imagine. Et mon deuxième laboratoire, en fait, c'est une entreprise à Bordeaux qui s'appelle Trifrog Therapeutics, qui est spécialisée dans la production de ces cellules souches et de thérapies cellulaires. Donc en fait, il y a 2-3 ans, j'étais médecin généraliste. Et donc en fait, moi, ce qui m'intéresse avec les organoïdes, c'est d'en faire des traitements, d'en faire des mini-tissus pour des mini-greffes, en fait. Et donc, si vous le permettez, je vais traiter des organoïdes, mais dans le contexte des thérapies cellulaires. Thérapies cellulaires... Pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup dans les hôpitaux, mais en fait, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études cliniques qui sont en cours pour venir compenser la dégénérescence de cellules, le vieillissement des organes. On vient directement réparer les organes avec des greffes de cellules. Le problème des thérapies cellulaires, c'est les cellules, parce que elles sont difficiles à cultiver, difficiles à produire, et quand il s'agit d'en produire en petite quantité, les méthodes habituelles de culture en boîte de pétri, au fond de boîtes en plastique, sont tout à fait correctes. Mais quand il s'agit de produire pour des centaines, des milliers, des millions de personnes, c'est-à-dire pour la prochaine étape des thérapies cellulaires, et ben là, c'est beaucoup plus difficile, et il faudrait des terrains de rugby, des terrains de football, de boîtes de pétri pour y arriver, et encore, ça marcherait pas. Donc il y a un problème de production pour faire que ces thérapies cellulaires deviennent réalité. Et donc les cellules qui sont cultivées dans ces boîtes de pétri, aujourd'hui elles sont produites à la main. Il faut comprendre qu'elles sont fragiles, et donc quand je dis à la main, c'est à la pipette, mais on aurait besoin de les produire en bioréacteur, dans des grandes cuves, pour justement casser ce problème de production. Donc la solution qu'on essaie de mettre en place, c'est de mettre ces cellules dans des coques. C'est-à-dire, pour les protéger de l'agitation dans les bioréacteurs, on met ces cellules dans des petites coques de l'ordre du millimètre qui permettent de les protéger. Et donc, en somme, on rend possible cette culture de thérapie cellulaire dans des bioréacteurs. Donc, d'un côté très pratique, on utilise des outils microfluidiques. C'est-à-dire, microfluidique, c'est un peu la science des gouttelettes. On vient introduire quelques cellules souches dans une coque creuse. On produit environ 5000 gouttelettes par seconde, qui deviendront 5000 organoïdes plus tard. Les cellules se retrouvent dans ce petit environnement favorable. Elles s'auto-organisent, comme on le disait tout à l'heure. Elles se développent en organoïdes. Elles acquièrent une fonction. Et au bout de quelques jours de culture, on peut retirer cette coque, récolter les organoïdes, et c'est autant de microtissus qui vont servir pour la thérapeutique. Donc, dans cette technologie, on utilise des organoïdes, on utilise des capsules, mais il y a non seulement un gain en termes de quantité de cellules produites, mais aussi en termes de qualité. Parce qu'on pense que les organoïdes, c'est la bonne échelle entre la greffe de cellules et la greffe d'organes. Donc nous, on parle de greffe d'organoïdes qui fait sens. Parce que on parlait tout à l'heure de fonction, on essaye avec l'organoïde de se rapprocher du fonctionnement d'un organe. Et quand on regarde ces organes, le poumon, si on le compare, le poumon est constitué de multiples lobules pulmonaires en parallèle, le foie de lobules hépatiques, le pancréas d'îlots, le rein de glomérules rénaux. Et donc en fait, l'organoïde, ça va venir se rapprocher de cette unité fonctionnelle de base, de cette brique élémentaire, et on va s'en servir pour comme outil thérapeutique directement pour délivrer cette thérapie cellulaire. Donc au final, pour nous, l'organoïde, c'est à la fois un outil formidable pour la recherche, pour produire des cellules, mais aussi c'est l'émergence d'une médecine par organoïde pour les thérapies cellulaires. Merci beaucoup Philippe Cohen, vous restez avec nous pour la dernière partie de cette émission. Peut-être une réaction à l'un et l'autre, Nathalie Vergnol, Xavier Gidrol, est-ce que vous venez d'entendre à ces travaux, Xavier Gidrol? Donc effectivement, c'est une des, je crois qu'on va parler d'applications. Exactement. Et une des applications possibles, c'est la médecine régénératrice, avec, comme vous le disiez, la possibilité, en attendant une greffe même, de pouvoir restaurer une fonction cellulaire ou de l'organe avec des organoïdes. Donc j'évoquais le pancréas tout à l'heure, où les Japonais, une équipe de Japon, j'aime bien l'école japonaise des organoïdes, justement la médecine régénératrice, en utilisant des organoïdes pour restaurer une régulation du taux de glucose en mettant des organoïdes de pancréas sur un animal, sur un rat. Et donc ils essayent de commencer des essais cliniques chez l'homme, je ne sais pas s'ils ont commencé, mais c'était leur ambition, pour restaurer cette fonction de fabriquer l'insuline en attendant mieux. Donc c'est une vraie potentialité. C'est-à-dire par exemple, pour parler concrètement, en attendant une greffe, en attendant quelque chose qui puisse être une solution pérenne, ou au contraire pour remplacer même complètement, c'est-à-dire sur un organe qui n'est que partiellement endommagé, pour éviter d'avoir à faire une ablation complète, on pourrait penser à le rapiécer par bout avec un organoïde. Philippe Cohen. Par exemple, pour le diabète, c'est venir apporter des cellules, des îlots de Langerhans, qui vont venir être une petite usine d'insuline implantée, par exemple, sous la peau, et qui vont venir à la fois sentir quand il y a besoin de produire de l'insuline et produire de l'insuline directement dans le corps. Donc, ça permet de venir assister le pancréas malade. Et ça permet aussi pour le patient un gain énorme, c'est-à-dire de plus prendre des thérapeutiques tous les jours, mais d'avoir une thérapeutique vivante, au final, greffée directement. Et tout ça, évidemment, développé à partir de ses propres cellules, donc sans problème de rejet. En fait, ça dépend. Il y a ce qu'on appelle des greffes autologues, quand on fait des cellules souches induites à partir des cellules d'un patient. Ou alors, différentes équipes essaient de travailler sur des greffes allogéniques, où c'est plutôt, ils essaient de développer des greffes un peu universelles. Donc là, il y a des aspects aussi pour des stratégies à développer pour éviter les rejets. Nathalie Vergnol, sur ces horizons thérapeutiques, parce que ce que vient de décrire Philippe Cohen, on est déjà dans une médecine de demain qui laisse assez songeur, rêveur, fait envie, je dois dire. Oui, ça fait tout à fait envie, et c'est un domaine important dans lequel il faut mettre nos énergies, parce que je pense que tout le monde a bien compris le potentiel de réparation qu'on peut avoir ici. Moi, je mets un petit bémol parce que je pense qu'on n'y est pas encore. Tout ça est de la recherche fondamentale, on n'en est pas du tout au stade de l'application, il faut le répéter à chaque fois bien sûr, ce sont des pistes de recherche pour le moment. Absolument, et puis il reste dans ce domaine-là le problème du contrôle de ces organoïdes qu'on va aller implanter, et ça c'est le problème majeur. On ne sait pas trop vraiment aujourd'hui comment ils peuvent évoluer. Ce sont des cellules souches au départ, donc elles ont la potentialité d'évoluer dans des mécanismes qui sont pas forcément bien contrôlables. Donc ça reste aujourd'hui le grand challenge. C'est-à-dire des cellules souches dont il faut maîtriser la duplication, dont on sait jamais à quel moment elle peut basculer, on peut perdre un peu le contrôle de la réplication cellulaire. Exactement, et une cellule dont on perd le contrôle, ça s'appelle une tumeur. Donc effectivement, c'est les choses qui vont être importantes à contrôler. Philippe Cohen. Pour moi, les thérapies et les greffes par organoïdes, on peut vraiment le mettre en parallèle des greffes d'organes. C'est-à-dire que dans les greffes d'organes, il y a de la complexité. On introduit aussi des cellules étrangères dans le corps. Et pour le risque de maîtrise de ces cellules implantées dans le corps, il y a effectivement des stratégies qui sont à développer, que ce soit par exemple une stratégie d'autodestruction des cellules qu'on implante. Si jamais le contrôle nous échappe, une prise de médicaments et la greffe est supprimée. D'autres essayent de mettre les greffons dans des petits sacs sous la peau. En fait, beaucoup de développement à faire, mais qui sont sur la table. Sur le reste des applications thérapeutiques, alors il y a évidemment beaucoup de recherches fondamentales, notamment Xavier Gidrol, de la recherche fondamentale sur la morphogénèse, sur l'organogénèse, tout ça, on voit finalement, parce que on le disait au début, cette auto-organisation, c'est la morphogénèse au moment de l'embryogénèse et la spécialisation des organes et des différents types cellulaires. Mais quoi d'autre en termes médicaux, en quoi peuvent nous aider ces organoïdes aujourd'hui? Donc, outre les aspects fondamentaux que vous avez très bien expliqués, qui sont primordiaux, qui sont de la recherche fondamentale essentielle, mais on refera une émission sur la morphogenèse. L'importance des organismes me semble de pouvoir mimer toutes les mutations qu'on voit chez l'humain et qui aboutissent à des maladies, à des dysfonctionnements. Donc, on peut, notamment avec la technologie de CRISPR-Cas9, aller mimer une mutation dans des cellules, en faire un organoïde et avoir un organoïde malade. Par exemple, nous, on essaye de faire des peaux d'enfants lune. Vous savez, ces enfants qui peuvent pas voir la lumière parce qu'ils ont une mutation des gènes de réparation de l'ADN, donc ils font entre 1000 et 10 000 fois plus de cancer que vous et moi en termes de risque. Et donc c'est pour ça qu'on les protège de la lumière et qu'ils sont complètement couverts de combinaisons, etc. Pouvoir offrir un organoïde de peau qui porte cette mutation, ça permet de mieux comprendre la pathologie, de tester des médicaments, des protecteurs, etc. Nathalie Vergnel. Oui, une autre application extrêmement importante, c'est d'aller faire du test thérapeutique. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous, on fait beaucoup au laboratoire. Notamment, alors on peut faire du test thérapeutique avec des tumoroïdes, aller voir à quoi une tumeur va pouvoir répondre en termes d'approche thérapeutique et prédire un petit peu à l'avance, finalement, sur une tumeur spécifique, quel traitement va être le plus approprié. Mais pas seulement. Pas seulement pour les tumeurs, il y a aussi tout ce qui est pathologie où les tissus sont détruits, et je pense notamment aux pathologies inflammatoires chroniques. Nous, on travaille sur les patients atteints de maladies de Crohn, de rectocolite hémorragique, ou qui ont un épithélium intestinal qui ne se régénère pas bien, pas assez vite, et on voit des défauts en faisant des cultures d'organoïdes. On voit que les organoïdes de ces patients sont complètement différents d'organoïdes issus de tissus normaux. Et on peut voir dans nos boîtes de pétri quel va être le rythme de réparation d'un tel épithélium avec tel ou tel traitement. Sur des résultats préliminaires, on a eu vraiment des choses intéressantes avec certains patients qui ne répondaient à aucun traitement et leurs organoïdes qu'on fait croître dans nos milieux de culture ne répondent non plus à aucun traitement. Donc il y a vraiment un aspect thérapeutique qui peut être extrêmement intéressant. Toute une partie de médecine personnalisée aussi. Évidemment, on va parler des tests pharmaceutiques et des tests de médicaments, mais on peut effectivement prélever, faire des organoïdes sur une pathologie d'un patient en particulier pour aller tester in vitro d'abord l'efficacité de tel ou tel traitement. Là, on arrive peut-être aussi un peu dans le futur ou dans la science-fiction, mais à court terme, finalement, Xavier Gidrol, de cette médecine très personnalisée où on pourrait mettre en culture un petit organoïde et dire, au lieu de tester ces médicaments sur le patient, on va aller voir quelle est l'efficacité de telle molécule sur... Complètement, oui. Donc, soit suivant l'origine cellulaire avec laquelle on a généré l'organoïde, soit on a une IPS qui est commune, etc. Donc, une IPS, c'est une cellule reprogrammée. Reprogrammée, qu'on met dans des boîtes et sur lesquelles on va tester les médicaments. Vous savez qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique est face à un modèle qui ne fonctionne plus, puisque ce qu'on appelle l'attrition des médicaments, pour 1 million de molécules testées, il n'y en a qu'une de bonne. C'est une des raisons, c'est l'inadéquation des modèles utilisés, et les organoïdes peut-être permettraient d'optimiser ça en étant plus fonctionnels. Et puis, il y a ce qu'on vient d'évoquer, la médecine personnalisée. Là, on part des cellules de patients, on l'a évoqué au début de l'émission, de biobanques de cellules de patients. Et plutôt que de tester chez le patient tel ou tel médicament, que ce soit pour les cancers où on a besoin, ou pour les maladies inflammatoires du côlon, ou un médicament en général pour le cancer ou pour les maladies inflammatoires, souvent ça traite seulement 30%, même 20% des patients qui répondent. On ne sait pas trop pourquoi, c'est pour ça qu'on essaye de faire des tests compagnons qui vont nous dire ça. Avoir des organoïdes de patients permettrait de tester pour un patient donné les 5-6 molécules qui pourraient résoudre sa pathologie sans qu'on sache aujourd'hui laquelle va répondre. Alors, au lieu de lui mettre l'une après l'autre pendant 3 mois et d'être déçu du résultat, on prendrait ses organoïdes, tester les 5-6 molécules et dire pour vous, monsieur X, c'est telle molécule qui est plus efficace ou pas. Nathalie Vergnel. Et l'autre point de ces cultures d'organoïdes, c'est que ça nous permet de définir de nouvelles cibles thérapeutiques. C'est-à-dire? C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on fait des cultures d'organoïdes de patients comparées à des individus sains, on peut identifier des phénotypes différents chez les organoïdes de patients et se poser les questions, qu'est-ce qui rend ce phénotype différent? Qu'est-ce qui rend ces organoïdes anormaux? Et donc, par là même, identifier des choses qui sont non fonctionnelles chez ces patients qu'on n'avait pas forcément identifié jusqu'à présent. Donc là, c'est vraiment aussi tout un aspect à la fois fondamental, mais de recherche et développement de nouveaux médicaments. Philippe Cohen. Pour pour refaire le parallèle entre deux dimensions et trois dimensions, c'est vrai que d'avoir des modèles organoïdes 3D plus complexes, on va être plus proche de la complexité du vivant. Donc on risque d'avoir un screen, d'avoir des tests en laboratoire qui sont plus pertinents et donc de cibler plus juste sur les essais. J'ai un auditeur qui me pose cette question. Est-ce que les organoïdes d'aujourd'hui, on sait si ça fonctionne sur l'œil et notamment sur la rétine ? Philippe Gilles-Roll. Oui. Xavier Gilles-Roll, Philippe Gilles-Roll, Philippe Cohen, Xavier Gilles-Roll, c'est moi qui commence. Oui. Mon organoïde de cerveau est en train de s'emmêler les neurones. Donc il y a des organoïdes de cornée qui sont faits, y compris bio-imprimés. On n'a pas parlé trop de bio-impression, mais aujourd'hui... On n'en a pas. Ça a été l'objet d'une émission entière, donc ne vous en faites pas. Et donc rétine également. Oui, Philippe Cohen. Pour la rétine, c'est vrai que c'est une course internationale. Mm. Les londoniens ont un nom formidable pour ça. Ils appellent ça The London Project to Cure Blindness, le projet londonien pour guérir la cécité. En France, au l'Institut iSTEM, il y a aussi un projet de thérapie pour la rétine. Au Japon, c'était une des premières thérapies cellulaires à base de cellules souches induites qui avait été testée. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai que la rétine, c'est un organe très, très séduisant pour lancer des thérapies cellulaires. Mm. Un mot également, peut-être pour conclure, puisqu'on parlait tout à l'heure d'animaux de laboratoire. On sait que les animaux de laboratoire sont de plus en plus encadrés, qu'aux États-Unis, il y a même un organisme fédéral qui pousse et qui encourage les études à ne plus avoir recours au modèle animal de moins en moins en 2025 pour les arrêter complètement en 2035. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer, à moyen terme, peut-être pas immédiatement, mais dans quelques années, que ces organoïdes nous permettraient, si ce n'est de faire disparaître totalement le modèle animal, on sait que c'est assez peu vraisemblable, mais en tout cas, de le limiter très nettement et d'en limiter la portée, Xavier Gilles-Roll. Donc oui, vous connaissez la politique des 3 R qui sont raffiner, réduire et remplacer les modèles animaux. Donc les deux premières, remplacer, réduire les modèles animaux, je pense sans aucun doute les organoïdes vont permettre ça. À quelle échéance ? Qu'est-ce qui permettrait justement de faire un pas ? Dès aujourd'hui, on peut réduire, quand on fait dans la pharma, qu'on teste des médicaments, j'ai évoqué des millions de cellules sur des animaux, etc., si on peut le faire sur des organoïdes, qui sont non seulement éthiquement préférable, mais aussi scientifiquement plus pertinent. Le cancer de la souris, je le dis souvent, ça fait 20 ans qu'on le soigne et qu'on passe chez l'humain, ça marche pas. Donc ça serait même scientifiquement plus pertinent. Donc je pense que dès aujourd'hui, c'est là. Mais effectivement, on aura toujours besoin des animaux. On a parlé d'organoïdes de cerveau. Pour tout ce qui est études de comportement, on aura toujours besoin des animaux. On fait des tests de mémoire avec des souris. Je vois pas aujourd'hui un organoïde cérébral. On rentre dans un autre domaine de la science-fiction qui est un peu angoissant. Donc, on aura toujours besoin des animaux, mais c'est clair qu'aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique, on peut réduire l'utilisation des tests animaux avec les organoïdes. Nathalie Vergnol. Oui, je suis tout à fait d'accord. Non seulement dans l'industrie pharma, mais dans nos laboratoires. D'ores et déjà, sur pas mal d'hypothèses, on fait le choix d'organoïdes, de modèles organoïdes, plutôt que le choix de modèles animaux. Ça veut dire que financièrement, aujourd'hui, on peut produire des organoïdes facilement, sans que ça coûte trop cher et sans que le modèle animal soit absolument strictement concurrentiel en termes d'argent. Alors, on sait bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre, voyons. Le coût des cultures d'organoïdes, il est quand même toujours extrêmement élevé. Ça va mieux, mais ce sont des technologies qui sont pas données. Xavier Gilles-Roll, un mot. Mais juste sur cet aspect-là, on a fait des organoïdes de pancréas, des îlots pancréatiques. Donc on a calculé le coût de les faire chez le rat, avec l'élevage, la chirurgie, etc., ou de les faire chez l'homme directement à partir de donneurs cadavériques. Ça revient moins cher de faire des organoïdes, même si c'est cher. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Nathalie Vergnol, merci Xavier Gilles-Roll, merci Philippe Cohen d'être venu nous parler de vos travaux et de ces organoïdes. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Olivier Bétard à la réalisation, Olivier Arnay à la technique. Demain, nous parlerons de maladies préhistoriques. Que se passerait-il si on envoyait un être humain du présent dans le passé ou au néolithique? Comment son système immunitaire résisterait-il? Est-ce que la domestication des animaux est responsable de la plupart des maladies que nous développons aujourd'hui? Réponse dans ma voix. Non, pardon, réponse dans l'émission demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.